sé que quiere vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente marcha, Bogotá va a rumbear y Boga va a danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba y a la vera. Quiero el ritmo sin ley. Papi, attends sur Énergie. Salut tout le monde, on est le 22 octobre aujourd'hui, j'espère que tout va bien. On va se faire dans la playlist Énergie Jennifer. Il y a la tournée qui va arriver avec Énergie partout en France. Oui, info Reza, Énergie.fr. Jennifer pour vous ce matin, David Guetta, Dadju. Et puis le meilleur de Mickaël avec Sandra qui nous a raconté sa mauvaise expérience avec un gars. Écoutez, nous allons prendre Sandra qui est de retour. Allô Sandra. De retour Sandra. Bah alors qu'est-ce qui t'arrive encore Sandra? Tu nous avais appelé tout à l'heure pour. J'ai plus parlé à Sandra qu'à ma mère aujourd'hui. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe Sandra? Non, c'est abusé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu de très mauvaises expériences. Ah bon? Mais tu nous avais appelé tout à l'heure, tu avais raconté quoi encore? J'ai oublié. Qu'elle avait pété sur une poutre. Ah oui, pardon, c'est vrai, effectivement. Qu'elle a pété une poutre. Hein. Non. Elle a pété sur une poutre, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Voilà. Bon, et donc. La deuxième expérience avec du film plastique. Oui. T'as pété sur du film plastique alimentaire. T'as pété sur du film plastique alimentaire? Non, du tout. Ok, Perforas, tu peux nous expliquer? Bon, c'est quoi l'histoire? Je comprends pas alors. Quelle est cette énigme? Et on n'avait pas de préservatif, on va dire, j'avais 14 ans. Oui. Donc le mec a voulu essayer avec du film alimentaire. Mais vous êtes sérieux? Évidemment qu'il faut pas faire ça, mais t'es malade! Qui a proposé cette idée complètement absurde? Bien sûr, les gars vont prendre de l'aluminium, tu sais. Non, mais attends, c'est lui ou c'est toi? Lui. Non mais il faut pas. Mais il est fou. Quel âge il avait? Oui, il avait 2 ans plus. 2 ans. Non mais à l'époque il avait quel âge? Bah tu sais, il avait 14. Il avait 16 je pense. Ah mais je me souviens pas. J'ai pas entendu que j'ai pas fait gaffe qu'il avait 14. Mais même à 16 ans, comment est-ce qu'on peut avoir une idée aussi stupide de dire bon, je veux pas de capote, on va mettre du film alimentaire? Bah même maintenant je vois. Ah bah c'est pareil hein, ça retient hein. Non, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Non mais faut préciser tu sais, parce que regarde, il met du film alimentaire. Alors bon, t'imagines. Bon, mais et du coup, ça a dû te faire mal de chien, non? Ben, j'ai même pas voulu essayer. Ah, quand même, d'accord, ok. Bon, ben, mais genre quoi, il a sorti son truc, il a essayé quand même, le gars. Ah, il a essayé quand même. Sors de là. Mais c'est quoi la prochaine étape? Vous allez prendre des sacs congélation ou c'est quoi? Oh, mais t'imagines. Bah, franchement, c'est presque pareil. Non, c'est où tu as l'équipe et tu gardes la température. T'as bu quelque chose, Sandra, là? Tu te poses la question. Non. D'accord, ok. Bon, très bien. Non, mais c'est pour être sûr. Très bien. Bon, écoute, bah, merci pour cette petite histoire. Encore une nouvelle histoire. Mais la grande question, moi, ce que je me pose, à quel moment tu t'es dit dans ta journée, tiens, ou dans ta semaine passée, je vais les appeler pour leur parler du fait que j'ai pété sur la poutre et le fait que tu t'es mis du. Il a voulu se mettre du film alimentaire. C'est passé comment? Oui, ça s'est passé comme ça. Ah, bon. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Ah, bah, super alors. Bon, ben voilà, ben écoute, merci pour la réponse. Et ne faites surtout pas ça chez vous, évidemment, vous allez avoir des maladies. Bien sûr, bien sûr. Vous avez le droit de péter sur la poutre. Vas-y, Sandra. Dédicace à toute ma famille, donc les centrales est haïennes. Et après, si je peux. En fait, c'est ça, t'avais oublié de faire ta dédicace, t'as oublié. Ah, c'est ça, en fait, l'histoire. D'accord, bon, bah écoute, bah, je te repasse Amina, Sandra. Merci. Salut à toi, à bientôt. À bientôt. Allez, tchuss. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. C'est un petit peu plus dur que les autres matins, normal les gars, c'est lundi, courage tout le monde. On va se faire David Guetta et Dadju dans la playlist Energy. Et avant de le retrouver à 20h ce soir, voici le meilleur du Rico Show sur Energy avec toute l'équipe. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Energy. Oui, du Sylvain, c'est maintenant comme le fromage. Ah oui, c'est un phénomène. Il devient ouais, une icône, il est magnifique. Il est désormais sur France 2, les amis, vous ne rêvez pas. Il intervient sur une émission de l'après-midi avec Daphné Burki de temps en temps. C'est ça. Il fait partie du panel, hein. Il représente la France, enfin c'est ce qu'ils lui ont dit. Hein. Ouais. Évidemment, hein, il représente les cocons, j'en suis certain, parce que j'ai vu les autres personnes à côté. Et crois-moi, mon Sylvain, est-ce que tu les as vues, les autres personnes? Mais pourquoi tu fais le rageux depuis tout à l'heure? Oh, bah écoute, on va écouter mon Sylvain. On va écouter les réponses que tu donnes et la France jugera. Oui, voilà. D'accord. Audrey est toujours avec nous. Elle a fait le 0800 70 42 48. T'es là, Audrey? Je suis toujours là. Alors, écoute bien, de quoi nous serions jaloux? D'accord, Audrey, t'es prête? Je suis tout oui. Il a fait le tour des zappings. Il a fait le tour de tous les bêtisiers. Sylvain réagit à l'idée reçue suivante. Dans le couple, ce sont les femmes qui portent la culotte. Derrière, il y aura le VTC. Il y aura la teuté d'Erico. Mais écoutez cette phrase qui va inonder vos écrans et qui restera mythique. Moi, en tant que mâle alpha, je peux te dire que avec moi, elle a du mal à porter la culotte. Elle va porter un string, mais pas la culotte. Oh là là. C'est une blague. Voilà, c'est Audrey. C'est champion, c'est Sylvain. Le champion, bravo, sinon on peut l'applaudir. Le champion reste champion. Non, mais attends, champion, tu voulais dire quoi par ça? Parce que je suppose que c'est philosophique. Tu voulais dire quoi par ça? Bah, qu'est-ce que je voulais dire? Que voilà, en tant que mâle alpha. Ouais. Mâle alpha, c'est en fait le loup, hein, le mâle supérieur, le mâle dominant. Mm-hmm. Voilà, bah, moi j'ai du mal à me faire commander par une femme, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Bah, je préfère qu'elle mette un petit string que qu'une culotte. D'accord. Voilà. Ouais. Audrey, une réaction? Oui, parce que pour moi, string ou culotte, on porte la même chose. Et Sylvain, quand tu veux un câlin, si je te dis, ou si ta chérie te dit, fais la vaisselle, le câlin, c'est après. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la vaisselle. Ah bah donc oui. On porte sa culotte. Donc on est chef. Ah ouais. Là, tu portes le tablier, voilà. C'est pas pareil. Allez, on se la réécoute une dernière fois parce qu'elle est mythique. Moi, en tant que mâle alpha, je peux te dire que. Avec moi, elle a du mal à porter la culotte. Elle va porter un string, mais pas la culotte. Oh là là. Il est passé dans tous les affiches. C'est bon, le phénomène. Et après ça, il pense représenter la France. Moi, je me détache. Moi, je me détache. Vous ne me représentez pas. Parce que je sais que dans le panel, vous représentez les jeunes. Voilà. Non, moi, je me détache. Ah bah, détache-toi complètement là. Je me détache. JM, est-ce que vous vous détachez? Bah, évidemment, je me détache. Et surtout, après l'extrait, en fait, là, il y a un gros fou rire en plateau. Et là, l'animatrice, elle fait oh là là, ça pique, c'est quoi ce truc? Mais c'est quand même drôle. Mais la meuf, elle sait pas où se mettre. Il a gêné la France entière. Ah oui, et il est persuadé que sa voix porte, mesdames, messieurs. Ne vous faites pas influencer par le tombeur. N'importe quoi. Audrey, merci d'être passé. Je vais te faire un cadeau, vraiment. Bisous, oh, Audrey. C'est sympa. Bisous, la famille. Bisous. Ciao. Vous êtes les bienvenus, les amis. Comme Audrey, 0870 70 42 48. C'est la teuté de Rico. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, mon Rico? Bienvenue dans la teuté de Rico. Les amis, dans la teuté de Rico, je me suis dit, il y a des choses dont tu sais. Mais tu le sais et pourtant tu recommences à chaque fois. À chaque fois. Moi par exemple, je me gare en bas de chez moi, il y a une zone payante. Je me dis, je vais garer la bagnole, je vais pas prendre d'amende et tout, je vais la jouer rusée. Et à chaque fois, je prends l'amende. Mais tous les jours, j'essaye de ne pas payer l'amende. Ouais, c'est vrai. C'est terrible. J'arrête pas, Sylvain. Non, mais là, t'es juste con, hein, c'est tout. Oh, oh, oh, depuis que monsieur fait des panels, que monsieur fait des panels, il a le droit de regard sur tout. Ah, ben oui. Oh là là. Non, mais il a raison, c'est tellement cher. Bon, il est un peu crevard aussi sur les bords. Ouais. Mais il a raison. Ça fait une semaine qu'elle est au parking, ta voiture de l'énergie. Je ne la sors plus, je marche à pied. D'ailleurs, on m'a envoyé des mails pour me dire qu'elle gênait. Alors, s'il te plaît, si tu pouvais. Bah écoute, non, à moins qu'on paye mes amendes. Je ne veux plus la sortir dehors, on se fait pruder de tous les côtés. Ah ouais. Ça, c'est mort. Sylvain, tiens, vous, l'intelligent de la bande, monsieur France ah Télé, oui, racontez-nous ce que vous faites, vous, à chaque fois, vous faites choper. Oh, bah, le petit ticket de métro, hein. Je dis à chaque fois, il faut que je le paye, je ouais. saute la barrière, et comme par hasard, derrière, elle est leur, quoi. Mais c'est con, ça. Il est fou, c'est lui, vient avec ses a priori, Sarah. Alors, moi, c'est avec mon mec. Dès qu'il prend la douche, bah, je fouille partout. Son pantalon, ah ouais. sa veste, son slip, ah ouais. le portable, tout. Et à chaque fois, t'es persuadé que tu vas choper un truc. Quelque chose. Mais rien. Mais c'est trop tard. Il sort de la douche et je me fais choper. Je me dis, je recommencerai plus, pardon, et je recommence. Attends, oh des fois, t'as du temps, mais tu trouves rien. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est trop fort. Oh non. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Sur Énergie. Be honest, right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort, if you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today, with or without you like night and day, we didn't repeat every conversation, being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray, don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer, never see your face light up my phone, never see you singing Tiny Dancer, every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you like night and day, everything about you uncomplicated, here with you every day is

C'est Coé sur Énergie. Oh, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Sérieusement, on a déconné il y a 15 jours avec Georges Brassens qui vendait sa maison. Oui. Eh bien, on rigole. On a raté la maison de Georges Brassens. Ouais. Et on a raté les journées Georges Brassens le week-end dernier à Paris. Oh, c'est pas vrai. Pour les plus jeunes, si vous savez pas qui est Georges Brassens, Georges Brassens, c'est le mec un peu chelou. Moi, j'ai toujours trouvé relou un peu Georges Brassens. Ah bon? Relou. Moi, je suis fan. C'était pas le star de l'époque. Non, mais je sais bien qu'à chaque fois que quelqu'un est mort, il est génial. Mais on a le droit de dire aussi qu'on est pas fan. Qu'on aime pas. Moi, Jacques Brel, j'ai jamais aimé Jacques Brel. Voilà. Non, c'est bien. Mais non, mais on a l'impression que tu dois sacraliser Jacques Brel. On a le droit de ne pas aimer, respecter le travail, mais ne pas aimer, pas être sensible. Voilà. Donc, Brassens. Ah, non, c'est bien. Effectivement, comme dans le film, le mec il te fait rimer nouille avec couille. Moi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça ouf, quoi. Le mec a ça toute sa vie. Toutes ses chansons. Voilà, et après il s'est dit qu'est-ce que je vais chanter. J'ai ouvert le frigo, j'ai plus rien à manger. Éventuellement, je sais pas, je vais sucer une boîte de lait. C'est bien ça. Allez hop, un tube. Un tube, on en fait un disque. Hop, une moustache chelou, un truc en velours. Une moustache chelou. Une moustache chelou. Allez. Un deuxième morceau. Mais quel thème? N'importe, la voiture. La voiture. Quel thème? Je suis monté dans ma voiture, j'ai vu que j'avais plus de pneus. Ça va être bien dommage, je sens que je vais encore écraser des vieux. Allez, on va. Tout en impro quand même. Hein. C'est énorme. Bon, alors on rigole, mais il y avait le concours de chant et de dictée géante. Oh. Le parrain, c'était Jean-Louis Vansec, qui a bien connu Georges Brassens. Voilà. Okay. Ah, on en est là, quoi. Hein? On en est là. Bah oui. Je crois qu'il l'a croisé un jour au resto. Ouais, c'est ça. Je connais le fils. Alors, il y a une association, si ça ne vous dérange pas, je suis le sorcier officiel de Georges Brassens. Très bien. D'accord? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Georges Brassé. Georges Brassé. Je n'ai pas trouvé d'autre. Georges Brasseur. Bonjour, on y va, attention. J'espère qu'on va me répondre. Ça sonne, on est à l'étranger. Ouais, ça sonne à l'étranger. Je suis où? L'association est à l'étranger. Allô? Association Georges Brassens, bonjour. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Georges Brassé, je suis sosie officiel de Georges Brassens depuis 92. Oui. Voilà. Et je viens de m'apercevoir que j'ai raté les journées Georges Brassens que vous avez organisées le week-end dernier. Effectivement, oui, voilà. C'est ça. Ou que je m'en veux. Et donc, il y avait de belles choses d'organiser, une dictée, il y avait beaucoup de choses. Non, faites-moi rêver. Oui, effectivement, on a mis plein de choses en place, mais que me vaut cet appel? Eh bien, je voulais savoir si vous pouvez refaire ce week-end. Éventuellement, ah non, vous réorganisez. L'organisation en amont. Oui, mais comme on est vendredi, on est en amont. Donc, j'appelle juste avant le week-end. Je vous aide dans l'organisation, bien sûr. Mais là, je suis désolée, monsieur, vous y prenez un peu tard. Ah, je peux vous donner des cours d'orthographe avant la grande dictée? Je vous fais la démonstration. Non, merci. Démonstration. Non. Écoutez bien. C'est gentil, mais non, merci. Tais-toi. Écoute. Ça va, ça s'écrit avec un C, ça s'écrit pas avec un S. Essaie de t'en rappeler, ou ce sera un coup de kick dans tes fesses. Gare à la fidi. Alors. D'accord, effectivement. Non, mais écoutez, j'ai pas vraiment le temps pour ce genre de bêtises. Je propose. Ce n'est pas des bêtises, ce n'est pas l'hiverne éventuellement. Ce n'est pas des bêtises, des sottises, je le permets. Je peux faire le show, j'anime la buvette, si vous le voulez. Ah si, écoutez bien. Viens boire un petit coup à la buvette. J'ai de la bière et de la vodka. Viens boire un coup pour faire la fête. Et dans une heure, tu seras dans le coma. Car au pastis. Alors. Bah écoutez, je pourrais peut-être faire appel à vous pour la prochaine fête, mais pour le moment, non, merci, c'est gentil. Vous voulez dire que ça va être le moment de se dire au revoir? Exactement, je vais devoir raccrocher, merci beaucoup. Merci les petits et les grands, c'était les journées Georges Brassens, c'était chouette, c'était marrant, et toi là-bas, je te bouffe les insensibles. Merci beaucoup. Je te jette la moustache. Bon, je vous embrasse, à bientôt, madame. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you, guys like me. So now when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, girls like you, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que tout bien ce matin, on est lundi, on va écouter 3 cafés gourmands et Drake dans la playlist Énergie, et avant de le retrouver de nouveau la nuit prochaine, 23h jusqu'à 3h, voici le meilleur de Mickaël sur Énergie avec Rémi qui a joué avec nous, c'était au jeu du taxi du bled et c'était la semaine dernière sur Énergie. En attendant, on va te faire le taxi du bled avec Rémi qui est avec nous, bonsoir Rémi. Salut l'équipe. Comment vas-tu? Ça va et vous? Mais écoute, très bien, nous allons jouer ensemble maintenant à ce grand jeu du taxi du bled. Ouais. Bon, tu vas devoir choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter, Toff, Polo, Amina ou moi-même. Tu veux jouer contre qui, Rémi? Ouais, avec Polo. Avec Polo? Très bien, ok, ouais. Parfait. Putain, tu peux pas choisir quelqu'un d'autre, tu vas me faire perdre mes deux victoires. Mais tu sais pas. Non. Il choisit Polo. Non. Tu sais pas. Ah, je suis sûr que c'est Amina qui lui a dit ouais, choisis Polo. Mais ça, c'est pas impossible. Mais faut arrêter à chaque fois, c'est un complot. Mais jamais j'ai fait ça pour de vrai. C'est bien sûr, bien sûr. Comment il s'appelle? Rémi. Ouais. Je t'offre une PlayStation de ma poche si tu dis la vérité. La vérité que c'est vrai, c'est pas Amina qui m'a rien dit. Bah donc tu lui as une PS4. Non, si c'était Amina qui lui avait dit voilà, c'est toi. Comment et tout. Vous me saoulez tout le temps avec vos suspicions à deux balles. V'là la confiance, franchement. Qui suce qui ici? Personne suce, arrête Amina, personne suce. Bon, je vais me rendre à Berlin. Rémi, donc oui. Polo va à Berlin, très bien. Rémi, le principe, donc tu vas devoir appeler des sociétés de taxi. On l'appelle à Marseille aujourd'hui. Et Marseille. Donc voilà, tu dois dire que bon, t'es de Marseille évidemment et que tu veux te rendre à. Tu veux te rendre où? À Berlin aussi, bah très bien. Et donc voilà, dès qu'on a un accord, même si c'est ok, je suis d'accord, mais je vous rappelle demain pour en parler, pour parler du prix, n'importe quoi, on considère que c'est d'accord, hein, ok? Ok, ça marche. Bon, tu commences ou tu laisses Polo démarrer? Peu importe, hein. Vas-y, je commence si tu veux. Vas-y. Allez, c'est parti. Bah, Polo commence, on y va, c'est parti. Et bah, l'autre, il fait juste la canne-bière, les mecs, à Marseille. Oh là là. Il fait le grand. La canne-bière aller-retour. Vélodrome, c'est tout ça. Ce qu'ils savent faire. Tu vas voir, il y a un pastis là. Mauvaise chance. Gueule. Allô? Oui, allô, bonsoir, c'est bien le taxi? Société Taxi? Oui, mais là. Oui. Non, je travaille pas. Mais j'ai deux questions à vous poser. C'est très vite, en fait, parce que là, je suis en train de travailler. Je suis à Marseille pour 2-3 jours et je dois partir dans 2 jours à peu près à Berlin. J'ai besoin d'un taxi parce qu'en fait, j'ai une espèce de phobie de l'avion, des trains, tout ça. Et je peux pas prendre ce genre de transport et je voudrais savoir s'il était possible. Est-ce que ça vous intéresserait de m'emmener? Je peux vous payer l'aller-retour, tous les transports, la bouffe, tout l'hôtel si vous voulez dormir là-bas. Il y a pas de problème. Hein. Ouais, ça va. Ben, c'est bon. Je vais m'appeler demain dans la journée. C'est possible. Oui, bien sûr. Ok. D'accord, merci. Pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous aussi. C'est pas grave. Au revoir. Bam, 45 secondes. Mais c'était un oui michto. Ferme-la, c'est toi la michto. Il a dit oui. Il a dit oui. Bon, Rémi. Putain, défends-moi là. Rémi, ouais. 45 secondes. Score à battre. Bonne chance, mais Rémi. Il a eu de la chance. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est facile. C'était mal barré quand même. Mais c'est parce qu'on a appelé à Marseille. Ce sont des travailleurs. C'est des fainéants, c'est des gros sacs. Bon, allez, on y va, Rémi. Bonne chance à toi. 45 Allez. Secondes, donc score à battre. Bonne chance, Kevin. Et Kevin qui dit oh, Polo, quelle maîtrise. C'est un professionnel. On a triché avec Amina. Oui. Oui, bonsoir. C'est bien un taxi. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous m'appelez Allô. Non, j'avais une question rapide. Je dois me rendre à Berlin dans deux jours avec mon entreprise. Mais vu que j'ai une phobie des avions, des trains, je peux pas prendre. Du coup, je voulais vous demander si vous pouvez faire le trajet Marseille-Berlin. Et c'est tout ce qui est frais, c'est pris par la société, quoi. Marseille-Berlin ? Non, mais déjà, vous m'appelez pas en numéro privé. Je trouve ça très étonnant. Et C'est le téléphone du boulot après. Non. Moi, c'est tout le temps, je cherche pas la société. Non, je sais pas, on m'a reproché tout à l'heure. Voilà. Non ? Okay. Non, je sais pas qui vous êtes, je comprends pas la situation. Vous me raccrochez au nez, vous me rappelez, c'est très très étrange. D'accord. Allô. Comme vous voulez après. Oui. Ben non, mais après c'est pas vous. Des grandes courses comme ça, voilà, c'est très très très étrange. Après c'est pour vous, hein. Moi c'est tout. Non, mais c'est pas pour moi. Moi c'est après les numéros privés, je sais pas. Vous êtes où là? Marseille. Et où à Marseille? Quartier Nord. Au quartier Nord. Oui. Allez. Ouais, il fout le quartier Nord, mais c'est le pire endroit. Pourquoi tu dis ça, Rémi? Il se tire dessus à coup de kalachnik. Tu vas croire que tu vas faire du trafic. Ouais, je suis à New York, je suis à Harlem. Mais c'est ça, t'as vu, il a dit quartier Nord, allez. Mais bien sûr, je connais pas, je suis pas Martine. Mais dis pas les quartiers Nord. Les quartiers Nord. Je suis sur la canne de bière. Bon, malheureusement, Rémi, c'est perdu. Une nouvelle victoire de Polo, donc, comme quoi, ça peut arriver, hein. Ça bravo, peut arriver, ça peut je arriver. Toujours soutenu. Oh là là, quel mytho celle-là. Bon, salut Rémi. Je sais, Amina, bisous. Salut. Salut à toi. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Salut, c'est DJ Snake. Ici, c'est Énergie.

Ah, moi noir, tu sais qu'il paraît qu'on est compatible. Bon, bah écoute. J'ai vu une étude très sérieuse autour des olives. Je te jure, si t'aimes les vertes et que moi j'aime les noirs, c'est qu'on est compatible. Ok, bah écoute. Je peux te dire. Mon ex, elle aimait les noirs et moi aussi, j'ai foutu les doigts. Ah bah tu vois, comme quoi. Comme quoi, c'est ouf, hein. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et toi, tu fais quoi alors? Raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce que tu comptes faire dans les jours à venir? Demain, je vois une copine. On va peut-être sortir, mais c'est pas sûr. D'accord. Et tu finis à quelle heure? C'est quoi tes horaires un petit peu? 9-18. Ah, c'est 9-18, d'accord. Ah ouais, moi tu sais, j'aime bien aller voir des one man à Paris. Je sais pas si t'aimes bien toi. Pourquoi pas? Parce que tu sais, je suis un petit peu aussi dans les one man. J'ai des potes à moi qui sont dans le délire. Ils ont monté une petite troupe, ils font des trucs sympas. Tu sais, vers l'Olympia, je sais pas si tu connais. Ouais, je avec vois. Cécile, tout allait bien. Non. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes d'érection. Franchement, c'est comme un homme sur trois après 40 ans. C'est un gros délire. Alors, toi, t'as déjà fait de la scène? T'es déjà allé voir des choses comme ça? Je me suis renseigné sur le site vivresoncouple.com. Hein? Puis je suis allé voir mon médecin. C'est quoi? C'est une radio? Non, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi le bruit derrière? C'est moi? Ouais, c'est toi, qu'est-ce que t'as mis? T'as une application ouverte, quelque chose? Ouais, j'ai hier, là. Ouais, je pense que c'est toi, t'as dû allumer un truc. C'est toi? Ouais, non, ça devait être toi. J'ai cru que c'était moi, mais ça devait être toi. Ah ouais? Ouais, je te jure. Je te jure. Zozo, Enzo, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? T'es au téléphone avec qui, là? Tu me trompes pas, quand même? Mais non, mais arrête. C'est qui encore? Oh là là. Putain, je t'attends pour faire une calée. Écoute, c'est terrible, tu sais, je suis en coloc avec un pote et il est jaloux. Dès que je suis avec une fille au téléphone, il me fait chier. Tu sais, c'est nos petits trucs de mec à la con. Alors. Bon, tu veux qu'on aille se manger une crêpe, un truc? Ça ferait plaisir ou pas? Mais pas. Bah écoute, on essaie de se faire ça ce week-end, je sais pas, samedi après-midi si tu bosses pas. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah écoute, je te dis, on se dit ça dans l'après-midi, je te passe un petit coup de fil vers 13-14h, je passe te prendre. On peut faire ça, ouais. Ok. Bon, bah, je t'embrasse, je t'écris un petit message. Je t'embrasse. Ouais. À tout. Ah, c'est sûr ! Hop là ! Tu parles dessus ! Bah non, j'ai tu dit. Tu parles sur les trucs, j'ai dit que c'était pas moi, j'ai dit c'est toi, c'est moi, c'est pas moi. Elle non, a pensé les que c'était. T'as parlé dessus, elle sur s'est les levée, toilettes. Elle s'est levée. T'as parlé sur les toilettes. J'ai pas parlé de ça. Franchement, la deuxième esquive, elle était magnifique. Le coup du ouais, c'est toi qui as balancé un truc, elle était non. Ouais. Mais les toilettes, je sais pas, c'est vrai qu'elle a pas entendu. Bah, elle a pas entendu. Mais après, c'est le jeu. Mais non, mais si, toi, elle a pas entendu les toilettes non plus. Bien sûr, tu m'as dit tais-toi. Il parle. Vous jugez sur Twitter, hashtag Ricochot. Retrouvez tous les podcasts du Ricochot sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Ready to drop, I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all ahead. Oh, mama, hey, I mix that waist with the rhythm with just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. Oh yeah, yeah. Oh mama, hey, I mix that waist with the rhythm with just a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. Sur Énergie, on est lundi. Alors, ça, c'est un petit peu relou. Par contre, c'est cool. Tout à l'heure, 17h30, après les cours et après les tafs, ce sera Coé sur Énergie. 17h-20h, comme chaque après-midi. On se fait le meilleur de l'émission là pour vous ce matin. Et juste derrière, on écoute Jason Derulo avec David Guetta dans la playlist Énergie. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Champion du monde de l'actu. Attention, j'en ai quelques-uns. On y va. Le premier champion du monde, c'est un ado de 16 ans qui a été arrêté par les policiers à Morlaix dans le Finistère. On a retrouvé 1,3 kg d'herbe sur lui. Oh. Et des balances et des petits pochons pour emballer la drogue. Mais c'est pas fini. Il a dit où est-ce qu'il allait se fournir. En fait, il allait se fournir et voler l'herbe dans la plantation d'un retraité. Du coup, les policiers sont allés chez le retraité, ils ont découvert une exploitation, ils ont mis la main sur 3 kg d'herbe. Le retraité cultivateur a indiqué, oui, qu'il cultivait la drogue, mais c'était juste pour la revendre à certaines de ses connaissances. Oh, bah oui, ça fait pas de mal. Mais voilà, mais c'est une évidence. Moi, je le dis, je dis un tabou que les gens n'osent pas dire. Les retraités fument de la drogue. Voilà pourquoi vous croyez qu'ils marchent aussi doucement, hein? Ah, c'est ça. Pourquoi vous croyez qu'ils ont pas de mémoire? Que quand ils vous parlent, ils font j'étais le. Oh, comment il s'appelle le gars que j'ai vu? Voilà, c'est tous ça. Les effets. Et puis l'avantage pour eux en cas de problème avec un dealer, bah voilà, personne ne peut pas leur péter les dents, il y en a plus. C'est très pratique. C'est la main verte. Deuxième champion du monde, un cambrioleur qui s'est fait interpeller en Savoie. Alors c'est lui-même qui est allé au service de police, d'après vous, pourquoi? On fait vite. Allez, qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est lui qui va à la police. Il cambriole, mais il va à la police derrière, pourquoi? Parce qu'il était pas content de ce qu'il avait volé, ça marchait pas. Ça aurait pu, mais non. Parce qu'il s'est cambriolé lui-même. Non. Il a pas cassé quelque chose. Non, il a été agressé pendant son cambriolage. Il a été surpris, il a oublié quelque chose. Ah il a oublié sa pièce d'identité. Il a oublié son sac à dos qui contenait les objets volés et sa carte d'identité. Oh, donc non, le mec il est sorti, il a fait. Oh, il est allé au commissariat, il a dit qu'on lui avait volé ses papiers. Il est énorme. Il a porté plainte et les mecs, quand ils ont retrouvé le sac, ils ont retrouvé ses papiers, ils ont fait le rapprochement, ils l'ont serré. Fabuleux le gars. Il est énorme. C'est le genre de mec qui te vole ton iPhone, il vient, il t'engueule parce qu'il a plus de batterie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce 6% là? Excuse-moi, le code, c'est quoi le code? Excusez-moi monsieur, moi je vole un portable, je veux qu'il soit avec 100% de batterie. Champion du monde, toute catégorie, c'est l'ancien maire de Longuillon en Meurthe-et-Moselle, Pierre Mersch, 81 ans, qui vient d'être condamné à 2 ans de prison, dont 5 mois ferme. Il est accusé d'avoir détourné 660 000 euros et d'avoir abusé de la confiance de 6 entreprises. L'argent aurait profité à une femme propriétaire d'un salon d'esthétique au Sénégal. Ah, dis donc. Bah alors, Mersch, petit coquin, on allait au Sénégal se faire tripoter le comédon. Ah, non. on allait se faire titiller le bubon. Alors, et après, qu'est-ce qu'on se fait, un petit sauna facial? Qu'est-ce qu'on fait alors? Un papy, attention, c'est pas trop se dilater les pores quand même. C'est pas bon pour le cœur. Hashtag balance ton porc. Voilà. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Time to say goodbye. I'm down for your loving.

Debout tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue, c'est Cédric sur Énergie, on est lundi, on est le 22 octobre, c'est une belle journée qui va démarrer avec beaucoup de soleil, ça c'est cool. En plus il y a la playlist Énergie pour se réveiller de bonne humeur, Alvaro Soler et MHD, ça arrive, horoscope dans moins de 10 minutes. Et avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h, voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Nous allons parler d'activités à ne pas faire nu. Ouais. Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48 pour compléter la liste que je vais vous donner maintenant. C'est sur internet que j'ai trouvé ça. Ouais. Un forum de discussion avec ce sujet. Quelles sont selon vous les pires activités à faire tout nu? Voici les réponses que j'ai sélectionnées. Ouais. Faire de la soudure. Oh, oh, tu m'étonnes. Oh, tendu. Ah ouais, tendu, ouais. Oh là les petites étincelles là, hop hop hop, qui s'envolent devant ton kiki, ça doit être très flippant. Être un faux Père Noël au centre commercial. Ah ouais, ça ne se fait pas tout nu ça. Tu casses un peu la magie de Noël quoi. Ah bah tu casses tout là, même toi, même tu casses. Bah, y a rien de bien là-dedans. Collecter du miel dans des ruches. Ah ouais. Pire activité à faire tout nu. C'est là que tu te rends compte de la vraie utilité de la tenue quoi. Là, tu te dis bon, elle sert à quelque chose quoi. Faire de l'alpinisme. Oulala. Oh, tout nu avec le piolet. Ouais. Et puis plus tu montes, plus il fait froid. Ah ouais. Et un petit dernier. Pire activité à faire tout nu, un twister en famille. Oh. Mais non. Oh non, pas ça. C'est, oh ben non. Ah ben c'est le concept. Oh non. Quelles sont les pires activités à faire tout nu? Complétons cette liste tous ensemble. Nico? À repasser, hein. Moi, je repasse tout le temps. J'ai déjà tenté une fois. Et dès en fait que tu prends le fer en main et que tu sens la chaleur autour de toi, tu dis non, je vais aller mettre un slip. Ah ouais. C'est tendu, hein. C'est tendu. Quoi, je pense même qu'un slip, ça protège pas. C'est pour ça, moi, je fais pas le fer à passer. Bah, ouais. C'est trop, trop dangereux. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire nu, Isabelle? Du saut à la perche. Oh. Ouh, tu la vois, l'image. Ah bah je vois la perche, je vois toi au-dessus de la perche, toi qui retombes sur la perche. Oh. Et là c'est le terrible. Drame. Morgane, bienvenue sur Énergie. Salut Manu, salut. Ah, ça te fait rire la perche, hein, ça c'est rigolo. Hein. Mais non, mais t'as les images à chaque fois, donc du coup c'est drôle. C'est ça. Pire activité à faire tout nu, selon toi? Alors attention, couper un arbre à la tronçonneuse. Ah oui. Oh là là. Bah déjà habillé, couper un arbre, c'est compliqué. Ouais. Alors à la tronçonneuse. Ah ouais, ouais. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu t'entends pas trop avec ton collègue Richard, j'ai scié la branche. Non, c'est pas la branche. Je me disais aussi, le tronc était petit. Et puis un tronc avec des coucouilles. Merci de nous avoir appelé, Morgane. Belle journée à toi. Activité à ne surtout pas faire nu. Glandu. Allez à un entretien d'embauche. Ah, oui. Là, c'est compliqué d'avoir le poste. Quoi. Ouais. Ou alors, il faut être sûr de toi. Quoi. Ouais. Faut vraiment être sûr d'impressionner. Hein. Ouais, c'est ça. Donnez-moi une bonne raison que je vous embauche. Fabrice est avec nous au 0870 42 48. Bienvenue, Fabrice. Salut Manu, salut les moments. Activité à ne surtout pas faire nu, on t'écoute. Eh ben, pour ma part, c'est une partie de paintball. Ah oui. Je sais pas si vous avez déjà fait du paintball, mais même habillé déjà t'as mal. Hein. Ouais, voilà, ça, moi je préfère pas, hein, t'as des bleus de partout, donc là si t'as pas la tenue, ça risque d'être compliqué. Hein. On oublie. Ouais. On oublie. En plus t'es obligé d'avoir un masque, donc tout nu avec le masque, c'est grotesque. Merci de nous avoir appelé Fabrice. Paulette, activité à ne pas faire tout nu. Être la cible d'un magicien qui fait un lancer de couteau. C'est vrai, mais alors tu sais quoi, même habillé. Ouais. Hein. Oui. Ah ouais, non. C'est pas parce que t'as une petite chemisette de comptable que le couteau va être arrêté. J'ai rien contre les comptables. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Aïe, aïe, aïe, aïe. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait elle m'attire, comment lui dire, une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. Give me dance now, I can't move on. Oh my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Aye aye aye aye. Oh yeah, take all my money, put them for your head. Aye aye aye aye. Make we my they go, baby girl so. Aye aye aye aye. Make you follow me, go make you drop all my money. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos.

se vider la tête pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier, tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Sur Énergie, c'est Cédric. Bon réveil tout le monde. Tout à l'heure, retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ce sera dès 6h avec toute l'équipe. Il va doubler votre salaire aussi à 7h05 et 8h05. Oui, Manu double votre salaire dans 6-9 sur Énergie. Inscription énergie.fr. D'ici là, The Prince Karma, Ariana Grande et le meilleur de l'émission sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. On va se demander si nous sommes des mauvaises personnes. Ah. On fait ça de temps en temps dans l'émission. Alors je vous rassure, souvent on se dit non, on n'est pas des mauvaises personnes. On fait tous des choses. Pas forcément joli joli, des choses où on peut se dire ah j'aurais pu réagir autrement, ouais. Ah c'est mal, j'ai pensé ça à ce moment là ouais. Mais est-ce que ça fait vraiment de nous des mauvaises personnes, ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Nico, tu commences? Ouais, je commence. Moi par exemple, tu vois, quand je prends un chewing-gum, bah je fais en sorte que personne ne me voit pour pas en donner. Suis-je une mauvaise personne? Un peu radinou. Ah non, mais sinon tout le monde t'en taxe, c'est chiant. Tout le monde, non, pas tout le monde va le prendre. Si, tu prends un chewing-gum, s'il y a 5 personnes, je peux avoir un chewing-gum, et il y en a que 10 dans le paquet. Bah achète des paquets plus gros. Non, et pourquoi moi? Et vous aussi de temps en temps. Alors, moi je pense que ça dépend du nombre de chewing-gum. Au-dessus de 5 chewing-gum, t'es une mauvaise personne. En dessous, ça va, t'as le droit de faire ça, quoi. Ah ouais. J'ai pas compris. S'il reste plus de 5 chewing-gum dans le paquet, là t'es une mauvaise personne. Si tu pourrais en donner. Ouais. S'il en reste moins, ça passe. Suis-je une mauvaise personne, Isabelle? J'ai fait comme si je captais pas au téléphone quand ma mère a commencé à me donner la recette des tomates farcies. Et c'était tellement chiant. Mais, oh non. Attention, Isabelle. À quel moment tu es avec ta mère au téléphone et d'un coup elle te sort la recette des tomates farcies? Parce qu'on discute de choses et d'autres. Elle me dit oh, j'en ai fait des super bonnes, je te donne la recette. Elle attend pas que je lui dise oui ou non. J'ai envie de te raccrocher. Ah ouais. Émilie, bonjour. Oui, bonjour Manu, bonjour les wouins. Bienvenue sur Énergie, Émilie. Tu t'es demandé, merci, si tu étais une mauvaise personne, qu'est-ce que tu as fait? Ah, eh ben écoute, moi, quand le lave-vaisselle est terminé, je l'ignore, je fais mine, je le vois pas et j'attends que mon mari le vide. Suis-je une mauvaise personne? Oh, t'es pas une mauvaise personne, t'es une personne tout à fait normale et on le fait tous. Ouais, bah oui. Quand la machine à laver est terminée, on le voit, on passe à côté, on marche tranquillement sans faire de bruit. Bien, mais c'est quoi? C'est pareil pour le rouleau de papier toilette qui est quasiment fini. Oui. C'est pareil pour la bouteille de jus d'orange qui est quasiment pas finie, etc. C'est pareil pour tout. Après, si son mari est comme ça, ça peut aller très loin dans toute la maison. Oui. Ça peut être vite dégueu. Il gagne, Nico. Il est plus fort. Ah, bah, tu vois, c'est lui la mauvaise personne. Mais il a raison. Ben, voilà. Merci de nous avoir appelé, Émilie. Êtes-vous une mauvaise personne, Glandu? Moi, quand il pleut et que je suis sous mon parapluie, j'adore voir les gens courir et se faire mouiller. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Mais je suis bien sous mon parapluie. Non, t'es bien. Ouais. Tu apprécies que toi, tu sois pas dans le malheur des autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, il faut pas leur dire, quoi. Il faut pas crier « Eh, vous êtes tous mouillés !» Moi, je suis pas mouillé. Oui, t'es pas obligé de leur faire des bras d'honneur. Caroline, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut les wouins. Es-tu une mauvaise personne? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pensé ou tu t'es dit oh là c'est pas joli joli? Alors moi Manu, quand je reçois des gens à dîner, ça m'arrive de faire croire que c'est moi qui ai cuisiné alors que je prends des plats déjà préparés. Mais la question, est-ce que ça marche? Oui. T'es pas une mauvaise personne, t'es un génie. Bravo. Alors là, rien à dire. Après, bon, il y a un peu tromperé sur la marchandise. Hein, c'est ce que j'appellerais le syndrome push-up. Mais bon, tant que ça passe. Caroline, on t'embrasse fort. Merci, bisous. Décideur.

Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Et non, pas de pub, on enchaîne directement là avec Shawn Mendes. Énergie, météo. Et un petit point météo avec quelques nuages sur les Hauts-de-France ce matin, sinon un beau soleil quasi partout. 7 à 16 degrés pour les températures. Cet après-midi, de la pluie dans le nord, c'est nuageux jusqu'en Bretagne. Sinon, un beau soleil pour cette journée de lundi. Les températures 13 à Caen, il y aura 15 à Lille, Rennes, Brest et Paris. 18 à Colmar, Dijon, Nantes et Lyon. 22 à Bordeaux, Toulouse, Nice et Marseille. 25 à Montpellier et Bastia. Retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ce sera un petit peu avant 6h. Vous pouvez l'appeler 0800 70 42 48. Vous pouvez aussi doubler votre salaire à 7h05 et 8h05. Waouh, la chance. En attendant, c'est Shawn Mendes dans la playlist Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. On va écouter Send Up Legend dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h, celui que vous pourrez appeler pour lui parler en direct, 0800 70 42 48. On télécharge aussi l'application Manu dans 6-9 sur Énergie. Ouais, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Manu dans 6-9. Tous les matins sur Énergie. Voici le retour des infos de glandu du vendredi. Elles ne sont pas comme les autres infos de la semaine, parce que le reste de la semaine, franchement, tu donnes des réponses à des questions. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais le vendredi, tu lui donnes des réponses à des questions que vous vous posez vraiment. Vous envoyez vos messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Et on commence par une question millénaire qu'on se pose tous sur l'œuf et la poule. Je voudrais savoir, entre la poule et l'œuf, qui est arrivé en premier. Je me suis toujours posé la question et j'arrive pas à mettre un terme à cette énigme. Allez, bisous l'équipe, ciao ciao. Alors là, tu t'attaques à du lourd. Là. Ah, une éternelle question, le débat, le fameux débat entre les pro-poules et les pro-œufs. Hein, oui, parce que tu dis la poule, pour qu'elle naisse, il faut un œuf, mais pour l'œuf qui sorte, il faut une poule. Ouais, donc, qui est arrivé en premier? Eh bien, on a enfin une réponse, et elle est assez récente, cette réponse, puisqu'elle c'est le magazine Le Time, en septembre 2016, donc un magazine très sérieux qui a donné la réponse. Et en fait, c'est dû à l'évolution des espèces, puisque la poule, elle serait née d'un œuf pondu, mais par une autre espèce. Donc en fait, la poule, elle s'est venue, en fait, c'est une autre espèce qui était du temps préhistorique, hein, ouais. C'est il y a plus de 7000 ans, et c'est des presque poulets préhistoriques qui ont pondu un œuf qui a donné la poule. Donc en fait, c'était une poule à 99,9% qui a pondu un œuf qui a donné une poule à 100%. Donc, et l'évolution, l'évolution, l'évolution. Donc du coup, c'est l'œuf alors? Du coup, c'est l'œuf exactement qui est arrivé en premier. Ok. Et enfin la réponse. Ou une poule à 99%. Oui. Et là, une ça roule à 99,9%. Ouais. Ouais. Mais ça, les scientifiques, du coup, ne le disent pas. Autre question. Une autre question. D'ailleurs, on va parler d'œufs. Une question sur l'origine d'un sandwich qu'on aime tous. Glandu, j'aurais une question à te poser. Pourquoi dit-on croque-monsieur ou croque-madame? Bisous, continue comme ça, je vous adore. Alors, c'est vrai que l'œuf ou la poule, on s'en fout, mais là. Ouais, là, la question. Là, ça me touche. Alors, pour y répondre, j'ai essayé de contacter René Girard, puisqu'il est auteur de l'histoire des mots de la cuisine française. René Girard est décédé en 2015. Du coup, j'ai lu son ouvrage pour avoir la réponse. Regarde-moi dans les yeux. Ouais. T'as pas lu son ouvrage? Bah, j'ai lu la partie du coup dédiée au croque-monsieur. Ah oui. Et l'histoire, c'est une très jolie histoire en fait. Ah. Le mot, il est apparu en 1901 dans un café parisien, le Bel Âge, qui est au boulevard des Capucines. Et parce qu'en fait, le bistrotier, il s'appelle Michel, il traîne une réputation de cannibale que lui ont donné ses concurrents. Pour le dénigrer un peu, ses concurrents disent: ouais, Michel, il est cannibale, nanana, ils sont un peu jaloux de son succès. Pour que les gens aient peur de lui, quoi. Exactement. Voilà. Okay. Et un jour, il manque de pain baguette et il fait un sandwich au pain de mie qu'il propose à ses clients. Et là, il y a un client qui dit: hey, Michel, t'as mis quelle viande là-dedans? Et Michel, qu'est-ce qu'il dit sur le ton de l'humour? Il dit: bah, j'ai mis de la viande de monsieur, évidemment, puisqu'il a cette réputation de cannibale, il en joue un peu. Et donc là, tous les clients rigolent, ils font: ah, c'est très drôle, vas-y, donne-nous un sandwich. Énorme carton. Et le lendemain, à l'ardoise, il met ce fameux sandwich, le croque monsieur, parce qu'il y a de la viande de monsieur dedans. Et alors, le croque madame? Et le croque madame est arrivé bien plus tard. En fait, c'est une variante du croque monsieur, puisque l'œuf qui est sur le pain, ça représente un chapeau. Un chapeau de dame. Oh! D'où le croque-madame dérivé du croque-monsieur. Mais alors, ça, franchement, génial. Si vous allez prendre un croque-monsieur ou un croque-madame à table, tu racontes ça un premier rendez-vous, c'est génial. Génial. Ah ouais. Génial. Ça, c'est top ça. Hey, t'as vu, ça fait un chapeau! C'est trop cool. Non, là, ça fait peur. Dernière question. Oui, une question sur un geste un peu obscène pour finir. J'ai une question pour toi, Glandu. Pourquoi appelle-t-on un doigt d'honneur? Car il n'y a rien d'honorable dans ce doigt. Merci. Oui. Alors, ouais. L'argument se tient. Il a raison. Et ça remonte à très loin, ça remonte à la Rome antique. Puisque, en fait, les Romains faisaient des doigts d'honneur, c'est eux qui l'ont inventé. Et ça représentait, en fait, le zizi de l'homme, puisque le majeur dressé représentait le phallus, et les autres doigts, les testicules, en fait, si tu réfléchis. Oh non. Et okay. Et ça s'appelait le digitus impudicus. Ça veut dire le doigt impudique. Et là-bas, ça servait alors soit à insulter son ennemi, soit à éloigner les mauvais esprits. Ça pouvait aussi éloigner les mauvais esprits. Donc voilà. C'est drôle. T'imagines, tu rentres dans un endroit, il y a un exorciste, il fait des honneurs partout. Il a pété les plombs, Bernard. Non, il exorcise, là. Faut le... C'est ça. Il éloigne les mauvais esprits. Vous avez une bonne excuse pour faire un doigt d'honneur maintenant. Ouais. Bravo. Ouais. Ah ouais. Super. Alors, bravo pour ces réponses et bravo pour vos questions. Vous pouvez envoyer vos messages à Glandu. Toutes vos questions, il y répond le vendredi sur l'application Manu dans le 6-9. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie.

amène le coq, il est pile 6h et qu'on démarre cette nouvelle semaine. Bon réveil. On est de retour, vous êtes peut-être en vacances. Qu'est-ce que vous foutez réveillé à ce temps-là? Allez vous recoucher, vous revenez tout à l'heure. On va écouter Jane dans 2 minutes, sur aussi Kenji dans 10 minutes. Comme chaque jour, c'est les concours du jour pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Et avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher.